bonnes nouvelles sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais? Et nous montre le sang, ils augmentent le sang, et nous montre la sueur, la vitesse de la douleur. Ils nous cadrent la scène, les antagonistes sont dingues. Ils essayent d'être les meilleurs dans la manière de vous faire peur. Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les enfants nous informent que d'informes formes d'hommes domine le monde comme personne, avec les chaînes de Babylone. Et nous parle du fond de, et nous parle du plus profond. Les uniformes sont au front, mais au fond où ils vont. Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais? In Africa, in Ethiopia, a lot of brothers and a lot of sisters, they have seen so much war, so much troubles today. They don't want war. Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Et nous parle de clans, et nous parle de clones, et nous parle de clones, et nous parle de clash, et nous parle de frappe stratégique. C'est pas de la stratégie, c'est une tragédie. Et nous parle de frappe stratégique, c'est pas de la stratégie. Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais, jamais diffusées? Les bonnes nouvelles ne sont-elles jamais,